obligé forcément de devenir mauvais, quoi. L'autre serait un ennemi. Genre, il faut le battre, il faut être plus fort que lui, et il faut s'en méfier. Et... ouais, c'est ce qu'on t'apprend. Mm-mm. Et ça, c'est ça qui nous rend mauvais. Alors, l'homme, il est bon dans l'âme et dans le cœur, mais il est pas bon dans le cerveau. Mais c'est là où, si c'est juste un problème de cerveau, on peut le gérer. Genre, à partir du moment où l'âme est pure, genre, il n'y a aucun problème qu'on puisse pas régler. Après, ça revient à... On en parlait avant que t'arrives. Genre... Non, c'était... Pardon. Avec le pote avec qui j'étais ce midi, avec qui on en parlait... Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais en vrai, ça... Genre, c'est juste l'idée que de... Il faut être prêt à prendre des claques. Genre, à partir du moment où tu décides d'être celui qui a confiance dans les autres, faut juste pas s'arrêter à la première fois où tu te prends une gifle, parce que tu vas forcément t'en prendre, genre... Mais si tout le monde est capable d'accepter les gifles comme un passage obligé, dans ce cas-là, on continue et... Bref, l'instrument est beau. Ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais... Moi, je trouve que ça a du sens. Attends. Tu sais lire les lignes de la main? Je crois pas en lignes de la main. Je pense pas que mes rides aient quelque chose à voir avec mon destin. Je crois pas au destin. Je crois au déterminisme social. Tu n'as pas une très longue ligne de vie. Ça, c'est pas très étonnant. Ça s'arrête là. À 35 piges. Ouais, la mienne s'arrête en bas de la main, beaucoup plus tard. Je pense que je vais vivre vieux, et toi, je pense que tu vas crever bientôt. J'aurais été non, je plaisante. Non, je pense... j'ai fixé ma date limite à 35 ans.